Bonjour, c'est le journal sans papier sur Radio Panique 105.4, ce lundi soir à 19h, ou le vendredi matin à 9h, ou sur Radio Campus 107.2, en rediffusion le lundi à 14h30. Alors aujourd'hui, on se balade un peu, on va aller dans deux occupations d'église, visiter un peu les gens qui y sont. Vous savez qu'en Belgique, il reste encore quelque chose comme 4 ou 5 occupations d'église. La majorité est à Bruxelles, il y en a 4 à Bruxelles, et notamment à Bruxelles, l'occupation de l'église Saint-Bernard qui se poursuit, et où on va aller tout à l'heure retrouver nos copains de Frères de Sang et de l'UDEP Bruxelles. Mais avant, on va écouter un son qu'on avait, un reportage qu'on avait fait au journal Sans Papier le 12 avril 2007 dans l'église Sint-Antonius à Gand. L'église Sint-Antonius où on avait retrouvé donc Angela, Fabrice, Amadou et Tourad pour parler un peu de ce un an d'occupation qu'ils fêtaient ce jour-là et voilà, je vous propose d'écouter ce reportage. L'action a commencé il y a un an, le 12 avril, aux cathédrales, et on a fait un marche au flambeau vers l'église Saint-Antoine. Et on avait déjà un accord du prêtre de l'église Saint-Antoine pour venir ici avec les sans-papiers. Et donc on a resté ici. Il y a un groupe de sans-papiers qui ont dormi ici à l'église. Et on a organisé beaucoup d'actions, des actions de sensibilisation, mais aussi des manifestations. Quand tu dis on, c'est le VAC, c'est ça? Quand je dis on, c'est les sans-papiers eux-mêmes et quelques Belges qui forment un comité de soutien. Donc l'action a commencé comme une action d'asile dans l'église, mais après quelques semaines, on a décidé d'entamer les actions en solidarité avec l'UDEP, donc aussi sous le nom de l'Union pour la défense des sans-papiers. Et alors, ça concerne combien de sans-papiers ici ? Il y a 5000 sans-papiers qui se sont inscrits ici à l'église. Donc au début de l'action, il y avait vraiment beaucoup de monde. Maintenant, il n'y a que quelques dizaines de sans-papiers qui continuent les actions ici. Mais il y avait un très grand groupe qui s'est inscrit ici. Donc on a aussi envoyé des lettres au ministre de l'Intérieur et à l'Office des étrangers pour les informer qu'il y avait un très grand nombre de sans-papiers qui se sont inscrits, mais on n'a jamais eu de réponse. Ils n'ont jamais obtenu de papier ? Il y en a entre les 5 000 qui ont reçu des papiers. Plus ou moins 50 personnes ont reçu des papiers, mais on n'est pas sûr que c'est à cause de l'action, oui ou non. Il y a aussi des gens qui étaient déjà dans la procédure d'asile pendant plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors ce soir ? Ce soir, on va montrer des photos et des reportages vidéo des actions qu'on a fait déjà ici. Et on va aussi annoncer que les actions continuent jusqu'au moment qu'il y aura une solution pour les sans-papiers. Qu'est-ce que vous revendiquez ? On revendique la régularisation de tous les sans-papiers et on veut aussi qu'il y ait une possibilité d'introduire des demandes de régularisation permanentes. Donc on est en faveur de la proposition de loi de l'UDEP pour mettre des critères permanents dans la loi. Une question plus générale que j'avais envie de vous poser. Du côté francophone, on entend souvent l'argument des politiques qui disent « on ne peut rien faire ». Parce que la population ne serait pas favorable à une régularisation, etc., parce que la population se serait majoritairement xénophobe. Je me demandais qu'est-ce que vous pensez de cet argument. J'imagine qu'il a cours aussi en Flandre, puisqu'il y a aussi le phénomène du Vlaams-Belang. Oui, mais bon, ici à Gand, on a vu un peu l'inverse, parce que dès le début de l'action, on a vu qu'il y avait beaucoup de voisins ici qui ont soutenu l'action. Aussi, on est vraiment sortis dans la rue, on a parlé avec beaucoup de Belges, et toutes les réactions étaient très positives. Donc, pour nous, on pense que c'est plus les partis politiques qui sont contre, mais pas nécessairement la population. Quand les gens rencontrent les sans-papiers et ils écoutent leur histoire, c'est plus facile à comprendre pourquoi ils sont venus ici et pourquoi c'est important de leur donner la possibilité de rester ici. Est-ce que vous espérez par rapport aux élections et... Oui, on espère certainement qu'après les élections, il y aura une négociation sur la régularisation. On a beaucoup d'espoir parce que les partis politiques flamands commencent un peu à bouger. Il y a Spirit qui a lancé un appel pour une régularisation. Et donc, on espère qu'il y aura un bon résultat après les élections. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais continuer à prendre des sons. Merci. Hein. Yao Fabrice. Enchanté. D'abord, je voulais vous demander, juste par curiosité, parce que je vous ai vu discuter avec un policier. Oui. Et vous aviez l'air très amical. Oh, oui. Bon, on est content de voir ça parce que c'est pas tous les jours quoi, que la police a des relations presque très amicales avec, disons, du plus un sans-papier. Mais ça aussi, ça provient de l'action qui s'est passée ici. Il y a certains parmi ces agents de police qui savent comment est-ce que nous, les Africains, les sans-papiers, nous vivons. Dans la misère, notre difficulté d'avoir un logis, travailler, gagner le pain du jour. Hein. Eux, ils ont eu l'occasion de voir exactement ce qui s'est passé ici, la situation réelle des sans-papiers ici en Belgique. Et sincèrement, la plupart d'entre eux, plus de la moitié, disons-nous la vérité, sont très touchés. Et partant de là, nous sommes devenus des amis. Il n'y a pas que lui, il y a bon nombre de policiers ici à Gand. Hein. Qui viennent vous voir pour qui vous demander. Viennent nous voir et pour poser la question, comment est-ce que ça va, est-ce qu'on a de nouvelles, qu'ils espèrent pour nous, qu'on ait nos papiers un jour. Et c'est ça. Hein. C'est un exemple à prendre. Et vous, vous êtes là ici depuis quand? Bientôt 5 ans. Donc, j'ai fait le centre de Florène. Donc, du moment où j'ai eu ma carte orange, j'ai directement choisi Gand. Donc, je vis à Gand depuis. Et bon, je travaille aussi maintenant. Et pour moi, ça va. Ouais. Vous êtes régularisé? Oui, j'ai été régularisé il n'y a pas très longtemps. Mais du moment où tu es... Mes amis sont dans la situation, tu ne peux pas les abandonner. Donc je suis venu les soutenir et autres. Et j'ai aussi ma femme. Donc avec un bébé, elle n'a pas été régularisée non plus. On espère toujours. Hein. Donc c'est une situation qui est très, très, très complexe. Donc on espère que bon, d'ici peu, la régularisation sera effective. Votre femme est arrivée plus tard que vous? Vous êtes arrivé après? Pas en même temps. Elle est arrivée presque 3 ans et demi, ça. 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Vous avez parlé du centre de Florène. C'est quoi le centre de Florène? Le centre de Florène, c'est un centre d'asile. Hein. Du moment où j'ai demandé l'asile, j'ai été là-bas et c'est là que j'ai... J'étais à l'école jusqu'à ce que j'ai eu ma carte orange. Parce que vous n'étiez pas majeur? J'étais mineur. Hein. Donc je suis resté là-bas et j'ai étudié. Vous gardez un bon souvenir du centre de Florène ? Oui, c'est un très bon centre. Hein. Mais du moment où j'ai quitté, je n'ai plus l'occasion d'avoir tellement de nouvelles réelles de là. Si c'est resté le même ou pas. C'est comme ça. Hein. Une question par rapport à... Bon, on a parlé de la police qui peut être accueillante aussi, mais est-ce qu'en général, vous pensez que... Il y a dans la population belge du racisme qui fait que les politiciens ne pourraient pas avoir une politique plus accueillante. Oui, ça, c'est le problème majeur. Hein. La plupart, hein, vous m'excusez, mais la plupart, la grande partie des Belges, du moment où vous êtes étranger et que vous rentrez dans la société active, hein, vous saurez que le racisme est au top. Bon. Moi, je suis mal placé pour parler de ça, mais même au travail, vous êtes victime de certaines injustices et autres, mais on ne sait rien faire, on ne peut rien faire. C'est la vérité, on ne peut rien faire. J'espère qu'un beau jour, ça va changer, on sera beaucoup plus à l'aise. Hein. Le problème, être un étranger, surtout un sans-papier ou quelqu'un qui demandent l'asile et autres, c'est une situation que moi, sincèrement, je ne souhaite plus à quelqu'un. Mais la vie est faite que, bon, il y aura toujours des gens qui doivent venir demander l'asile ici, ça et là. Et c'est difficile. Je peux vous demander de quel pays africain vous venez ? Je viens du Togo, moi. Du Togo. Je suis togolais. Donc, du moment où je suis venu, j'ai connu le curé, Marcel Demeyer. Donc, il m'a accueilli comme son fils et je suis dans l'église, à l'aise, opgemaakt, comme on le dit en néerlandais. Donc, c'est comme ça. Hein. La question, on a dû vous la poser 100 fois, malheureusement. Je vous demande de me répondre de façon la plus ouverte possible, la plus libre possible. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvé en Belgique ? Compte tenu de notre situation politique dans mon pays, ce qui fait que bon, nous avons beaucoup de difficultés à rester là-bas. Notamment du moment où ton père est un cadre et qu'il y a un problème avec le gouvernement. Directement, vous les enfants aussi, vous êtes impliqués. Hein. Donc, pour ne pas trop rentrer dans les détails, je préfère me taire ainsi. Vous avez fui le régime et il y a des mains, j'imagine. Yeah, c'est ça. Hein. Mais il n'y est plus, mais il vit encore. Hein. Et Adema n'est plus, mais il vit encore. Hein. Donc, vous savez ce que je veux dire ? Je sais. Malheureusement, oui. Malheureusement, je sais. Je m'appelle Diallo Amadou. Je suis arrivé le troisième jour de l'occupation. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu alors comment ça se passe ici ? Ici, tout le monde est uni. On essaie d'avoir... nous vivons dans la collectivité, pas chacun à part. Tout ce que nous faisons en gros en masse, tout le monde ensemble, nous essayons que tout le monde soit au courant de ce que nous faisons. Et on est bien soutenu par des Belges qui essayent de faire leur maximum, plus que leur maximum même, à 200% disons. Et nous aussi nous poussons à fond sur ce que nous faisons. On essaie de sortir toutes les forces. Vraiment jusqu'au dernier, quoi. Du plus petit au plus grand. Et nous restons la main dans la main, quoi, jusqu'à la fin de ce qu'on veut, quoi. Jusqu'à ce que nous aurons vraiment une solution pour tout le monde. Comment on dit ça ? Qui va pour tout le monde, quoi. Une solution qui convient à tout le monde. Collective, ouais. On vient chaque fois qu'il y a un appel, il y a des emails, il y a le téléphone. Et tout le monde vient, tout le monde se regroupe. C'est la base. Mais est-ce qu'il y a des gens qui occupent vraiment cette église alors pour l'instant? Officiellement, non. Pour occuper l'église, non, pour l'instant. Officiellement, c'est déjà depuis septembre. Parce qu'il y avait une école derrière ici. Donc, avec le bruit des gens et tout, on ne pouvait pas. Et c'était mis au point jusqu'au septembre avec le père, qui nous a beaucoup soutenus et qui continue toujours. Donc voilà, mais ils ont aidé autrement, ils ont aidé des gens autrement. Et le nom de l'occupation, ça reste toujours dans notre tête, quoi. Mais comment on dit ça? Officiellement, non, ça reste pas dans l'église ici, il n'y a personne maintenant. Mais nous venons toujours on est là. Nous habitons aux alentours et tout, et avec des copains, des amitiés qui sont créées. Et on vit dans Gand maintenant, en fait. Ouais. Et donc, on m'a dit que vous étiez un collectif avec des porte-paroles qui étaient élus. Oui, tout à fait. Un collectif de porte-paroles qui sont élus, des gens qui sont bilingues, et soit bilingues néerlandophones-francophones, soit anglophones-francophones, qui parlent, c'est-à-dire anglais-français ou français-anglais. Donc, il y a tout à fait un staff qui est créé. Et donc, voilà. Moi, je vous parle, je ne suis pas porte-parole, mais je connais bien aussi ce qui se passe parce qu'on est toujours mis au courant et je participe de temps en temps, selon les temps, le moins, aux réunions qui se passent. Donc voilà. En fait, moi, c'est arrivé, je ne connaissais personne ici. Le lien d'amitié que j'ai ici, on dirait une famille. Si on se voit, on dirait vraiment qu'on est né dans le même lieu, on vient d'un même pays. Alors que non, moi, je suis le seul Guinéen ici. Donc, pour le moment. Donc, on me voit avec d'autres nationalités, on dirait la même chose, quoi. On dirait l'eau dans l'eau, on ne voit pas la différence. Donc, moi, je peux dire que le lien, vraiment, s'est créé ici, quoi. Forcément, pas tout le monde qui se connaissait. Il y avait aussi d'autres gens qui se connaissaient, qui téléphonaient, ils venaient à une occupation. Mais le vrai lien s'est créé ici. Un vrai lien s'est créé ici pour moi, en tout cas. J'ai des amis et j'ai tout ici maintenant, presque. Ça fait juste un an que je vis ici. Maintenant, je vis à Gand. Depuis l'église, j'ai... Et comment vous êtes arrivé alors dans cette église? Ah, j'ai un appel d'un copain qui habite juste derrière ici. Donc, il m'a téléphoné vers 23h et j'ai pris le dernier train et je suis venu. Directement, on m'a donné une place. La porte était ouverte à tout le monde. On m'a donné une place et le même jour, on m'a donné un lit, un drap et tout. Voilà, c'est pour tous les sans-papiers de la Belgique. Donc, vous étiez où avant? Vous étiez au prendre le petit château à Bruxelles. Et j'ai vécu là-bas 4 ans. Ouais. Donc, voilà, je suis arrivé en tant que mineur et j'ai fait mes études, j'ai continué. Et donc, voilà, après, j'ai dû transférer, j'ai demandé qu'on me transfère. Donc, je suis dans un ILA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gens. C'est une structure qui est créée pas longtemps, des gens qui ont duré dans les centres. Et on leur donne des maisons sociaux, ils restent dans une ville, et maisons sociaux. Moi, je suis affecté à Dendermonde, mais maintenant je vis ici avec une amie. Donc voilà, j'ai mon adresse à Dendermonde, mais je vis chez ma copine, quoi. Voilà. Et qui vit ici, on s'est croisés ici à l'église. Donc voilà, quoi. Je voulais vous demander par rapport au petit château, quoi, quel souvenir vous gardez de ce lieu? Parce que. J'ai beaucoup appris au petit château. Et j'ai appris à vivre avec d'autres nationalités. C'était très important pour moi. J'ai connu des gens. J'ai eu une maman au petit château. Ouais. Qui m'a aidé, qui m'a poussé à continuer mes études, à aller au fond de mes études. Vu que j'avais pas les papiers, je voyais tout le temps des copains qui venaient, qui sortaient avec des positifs, avec des papiers. J'étais là, j'étais le seul qui partait à l'école et tous les autres copains disaient « Va, abandonne l'école, cherche l'argent. » J'ai vraiment eu des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à aller à l'avant. Et c'est cet avantage que j'ai maintenant. Et d'ailleurs, chaque week-end, je vais donner des activités aux enfants du petit château, avec lesquels j'ai appris beaucoup de choses aussi, beaucoup d'histoires. Et j'ai appris que, quelle que soit la personne, il faut toujours être prêt à l'écouter. Il faut toujours écouter son prochain. parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu ou ce qu'il est en train de vivre. C'est très difficile. Il y a aussi des mauvais souvenirs. Mais pour le petit château, pour moi, c'est, les bons souvenirs sont les plus dominants. Ouais, c'est beaucoup aidé à aller à l'avant. Et donc, je suis toujours cette direction avec d'autres gens. J'ai beaucoup appris à vivre avec d'autres personnes. Ce que je n'avais pas chez moi. Je vivais seulement dans ma famille, avec des copains que je connais. Donc, mais ici, il faut un autre lien de connaissance. Des gens, par exemple, nous, les Guinéens, c'est facile de vivre avec nous, on se comprend la langue, mais avec d'autres nationalités. D'ailleurs, mes amis, ce n'est pas les Guinéens ici, en Belgique, depuis que je suis rentré. Mes amis, c'est les autres nationalités. Donc ça, c'est un point fort. Donc voilà. Donc, pendant un an, on a fait beaucoup d'actions ici, des manifestations. On a mobilisé toutes les différentes autres villes et tout. On a aussi mobilisé toutes les autres différentes occupations pour sensibiliser le gouvernement, pour montrer qu'on a un problème sérieux. On était la seule église pendant toutes les occupations. On n'a pas fait grève de faim parce que, d'après Patrick Dawal, c'était un chantage qu'on faisait et tout. Donc nous, on a évité à faire ça. Et on a fait des manifestations. On a fait 2 manifestations ici à Gand. On a participé à plusieurs actions partout en Belgique et tout. Et on fait partie de l'IDEP et l'IDEP est vraiment consacré à travailler avec nous vu qu'on avait une certaine des gens très motivés ici. Et un moment ça freinait. On avait aussi, on était la première église qui avait fait une liste ouverte à tout le monde, contrairement à Saint-Boniface ou aux autres. Nous, on a fait une liste et tous les sans-papiers de toute la Belgique sont venus s'inscrire ici. On avait une liste de 6000 personnes et quelques, tu vois. Et on voulait envoyer cette liste et tout, malgré qu'on a eu des empêchements, tu vois. Donc c'est à travers cette liste que les autres églises, ils ont eu l'idée de le faire aussi. À un moment donné, on avait fait une manifestation ici à Anvers, ici à Bruxelles. Donc après cette manifestation, c'était au mois de juin, juste avant les vacances. On espérait que... 2006. On espérait que là... Avant que les politiciens ils aillent aux vacances, ils vont donner quelque chose quand même. Mais ils n'ont rien donné. Et là, c'était vraiment un coup dur pour tous les sans-papiers. Parce que juste après la manif, le ministre il avait parlé. Et ils ont fait voter leur loi au lieu de la loi de l'IDEP et tout. Donc tout le monde était... C'était un coup dur pour nous, y compris moi personnellement, tu vois. Mais quand même, on a gardé l'espoir. Donc si on voyait dans les autres occupations, c'était complètement mort. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Maintenant, ça fait à peu près 6 mois, il n'y a que Bruxelles, quelques églises de Bruxelles et Gand qui sont un peu actives, tu vois. On a tout le temps essayé de faire des choses. Ah ouais, il y a un point important, c'était que ici, comme nous on est en Flandre, on avait essayé de travailler avec Louvain, avec Kortrijk et Anvers. On faisait des actions ensemble. Par exemple, aller chez les partis politiques le même jour de chaque ville et essayer de parler avec. Et même si ça n'a rien donné, quand même, ça fait un impact qu'on est toujours motivé pour faire quelque chose, tu vois. Et des autres églises qui commençaient à lâcher, vu que la plupart, ils ont fait grève de faim et que le directeur de l'Office des étrangers, comment il s'appelle encore, Rosemonde, il est donné des fausses promesses et tout, en tant qu'une personne responsable. Comment oses-tu donner des promesses qui sont pas justes, tu vois. Et les gens, ils arrêtaient, ils n'ont rien. Donc tout le monde a fini par laisser tomber. Nous ici, au départ, on était une centaine de personnes. Maintenant, on a fini par une dizaine, mais une dizaine très motivée. On est vraiment prêt à faire quelque chose. On a toujours continué. On a toujours eu l'idée d'aller jusqu'au bout. Les 10 qui restaient ici, on était très amis. On se disait, écoutez, on est toujours prêt à... On a commencé une chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est notre cause qui est en jeu. Si on laisse tomber, c'est nous les perdants. Donc, autant mieux continuer et jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu, comment dirais-je, on est un petit peu soulagé, si tu veux, même si on n'a pas eu nos papiers. Mais on s'est dit, on a tenu jusqu'à une année. Donc on peut faire plus, tu vois. Bonsoir à tout le monde d'être venu ici ce soir. Donc comme vous savez, ça fait une année, un jour pour jour qu'on est dans cette action. Et on se bat avec toutes nos forces, avec tous les moyens qu'on a, pour avoir notre droit, je pense bien, comme tout le monde d'ailleurs. Et d'abord, je dois remercier le pasteur Marcel qui nous a vraiment ouvert les portes de cette église, qui nous a donné une opportunité de pouvoir s'exprimer pour notre droit. Et aussi à Alex, Angela, Lucie, beaucoup d'entre eux, aussi à Victoria Deluxe qui nous ont toujours soutenus. Et ça fait une année qu'ils sont derrière nous. Si jusqu'à présent on est fort, on est puissant, c'est parce qu'il y a tous ces gens derrière nous qui comprennent notre problème, notre situation, qui veulent un changement dans notre vie. Donc moi je tiens vraiment à les remercier tous. Et aussi je veux aussi remercier tous les sans-papiers qui étaient présents dans cette action, qui sont toujours là et qui croient malgré, ça fait un moment, on n'a pas eu de résultat, ils croient toujours, ils croient, ils sont forts. Et j'aimerais dire merci et bon courage. Il faut savoir une chose, mes frères sans-papiers, on peut perdre une guerre, mais on peut perdre une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On a perdu juste une bataille. Hein. On se mobilise pour avoir la force de continuer. Merci. Franchement, je ne comprends pas la politique ici en Belgique. Il y a eu des grèves de faim, des gens qui se sont coudés la bouche, des gens qui se sont sacrifiés, qui ont mis toute leur force. Si ça se passait en France, Sarkozy ne pouvait rien, il va faire quelque chose. Tout récemment, il y avait juste un truc qui a été occupé. Mais Sarkozy, il a régularisé des familles. Ils ont cherché une solution. Mais ici, on ne cherche pas de solution. En Espagne, c'est là-bas la porte, c'est là-bas la rentrée. Il y a combien de sans-papiers là-bas? Et le gouvernement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous, on suit toutes les infos. Ils sont en train de donner en Italie, pareil. Au moment où il y avait l'occupation, vraiment, au moment où c'était vraiment très concentré, on voyait que l'Espagne promettait de donner, l'Italie aussi. Et on se disait que si l'Espagne et l'Italie donnent, et les Belges, ils vont essayer de pouvoir faire quelque chose. Vu qu'il y a des églises qui ont été occupées. Il y a, comment dirais-je, il y a les sans-papiers en plein mouvement. Les sans-papiers ici, ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait accumuler des dossiers. En fait, c'est juste une seule porte, il n'y a pas de sortie. Une seule porte, des dossiers. Un moment où ça allait exploser, ils sont débordés. On sait que le ministre des Affaires étrangères, comment ça s'appelle Michel. Non, comment ça s'appelle pas le. Je veux dire, directeur des offices des étrangers. Rosemonde et ses collègues, ils sont débordés. Il y a tellement de dossiers. Maintenant, c'est des dossiers qui. C'est comme à la loterie. Ils ne vont pas respecter les lois que Dawali a dit. Ça va être oui, non, tu vois. Oui, non. On a vu beaucoup de gens qui ont été régularisés, ils ne sont pas dans le critère. Les politiciens, ils sont là, ils nous disent ça et ça. On a presque rencontré tous les partis politiques, sauf le EMR et Franck Balan. On n'a pas besoin d'eux, on connaît leurs idées. Au moins, eux, ils sont clairs. Mais SPA, les autres, ils nous disent c'est ça, tu vois. Tu vois, moi j'aime bien quelqu'un qui me dit la vérité, quelqu'un qui commence à tatiner de gauche à droite, tu vois. On a fait des manifs, on a fait des actions, on a fait des grèves de faim, on a fait on a occupé des églises, attends, c'est pas quelque chose quand même. Des églises dormir pendant 6-7 mois, il y en a même qui sont toujours occupées. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça, normalement, ça devrait toucher l'opinion publique belge et non seulement, et aussi les politiciens. Mais ça n'a rien fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on est là. Et on n'a rien obtenu. On a été une fois, je me rappelle, c'était à Anvers, le congrès de SPA. Et là, on est venu par surprise et tout, parce qu'on savait et tout. Il y avait IDEP de Gand, Bruxelles, un peu de Charleroi. Donc on est venu, on est rentré parmi eux, on a discuté et tout. Ils disent toujours la même chose. Et dans la grande salle pour faire le parlement et tout, donc il y a eu trois représentants de IDEP, un IDEP Gand, IDEP Bruxelles et IDEP Anvers, ils ont parlé devant tous les politiciens. Mais eux, ils ont dit ouais, qu'ils savent que ouais, c'est un problème tangible et tout, mais ils vont voir. La discussion reste ouverte. Mais il y a un mois passé et tout, quelque chose comme ça, il y avait Spirit qui avait pris une prise de position comme quoi il faudra régulariser tous les sans-papiers et tout ça. Et après ça, il y a eu quelques bourgmestres comme ici de Gand et quelques de VLD, j'ai oublié le nom, qui ont dit quelque chose. Et ça nous a donné un peu l'air d'espoir, de continuer le combat, tu vois. Mais dans un autre sens, que des promesses en l'air, que des promesses. Ils font ça pour nous décourager, ou peut-être ils ont peur pour les élections à venir, ou pour leur sort et tout. Mais je pense qu'un politicien, c'est quelqu'un qui doit quand même respecter sa parole. Parce que si jamais tu ne te fais pas respecter ta parole, qui sera là pour voter pour toi? Parce que la parole, c'est très important. Une chose dite, une chose faite, normalement. On sait que c'est un pays qui est divisé en deux. Et en général, on dit que chez les Wallons, il n'y a pas de problème, c'est ça. Mais moi je dirais que si tu regardes au fond, c'est pareil. Les politiciens, ils sont là, ils nous sous-estiment d'une manière. Regarde tout dernièrement, l'usine de Volkswagen et tout ça. Tout le pays s'est mobilisé, ils ont été dans la rue et tout. Donc là, ça a été réglé plus facilement. Ils ont cherché des solutions à ça. Parce qu'ils ont fait un effort, tu vois. Mais je pense que là, s'ils avaient fait un effort, ça allait aller. Les socialistes wallons. Tout récemment, quand il y avait cette discussion de Spirit, comme quoi, tu vois, comme quoi il faut régulariser tout. Mais eux, ils ont pris leur position comme quoi que c'est un dossier qu'il faut étudier. Cas par cas. Mais cas par cas, ça veut dire quoi? C'est juste d'une façon de dire non. Mais il n'y a pas un sans-papier qui n'a pas un cas ici. Si on regarde les cas que le VLD ils ont donné, ça touche tous les sans-papiers, mais ça ne respecte pas. Et ils ont rajouté un autre truc. Ils ont compliqué l'asile. Ils veulent arrêter l'article 9.3. Tu vois? Mais soit vous lâchez de cette main, vous tenez de cette main, vous n'allez pas lâcher de deux mains, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça que je trouve vraiment dommage. J'aimerais bien leur dire ça en face. Je suis prêt à le faire, tu vois. Mais je ne sais pas c'est quoi votre, voilà. C'est quoi votre pensée et tout. Le premier ministre, lui, on l'entend jamais, on le voit jamais, on peut même pas l'approcher pour essayer de parler de lui. Et il dégage toute sa responsabilité comme quoi, ouais, il faut voir avec le ministre de l'Intérieur. Mais aussi, c'est ton gouvernement. C'est ton gouvernement, c'est quelqu'un de ton parti. C'est un problème qui fait partie de la Belgique. Nous, on se sent ici. C'est vrai, on a quitté nos pays, il y en a qui ont fait plus de 20 ans, il y en a qui ont fait 2-3 mois, mais c'est pas pareil. Tu quittes ton pays, tu quittes, tu oublies tout, tu laisses tout s'efface, c'est comme une mémoire. Tu viens là où tu es, tu essaies de faire une vie, bah tu es d'ici. On est d'ici, nous. On est des iciciens, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Comme pour l'instant, on n'a pas le papier, on n'est pas belge, mais on est iciciens. Voilà, on est ici, je vais le faire comprendre qu'on est ici. On ira jusqu'au bout. On fera nos actions, nos petites actions et tout. Même si j'aurai mes papiers, j'aurai tout, je vais aider les autres. Ça fait 3 ans que je suis ici. Ça fait une année que je combats fermement ici. Tout le monde me connaît ici. Tout le monde voit ce que je fais et tout. Et je continuerai jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Vraiment jusqu'au bout. Avec IDEP ou sans IDEP, ou avec l'aide politique ou sans aide politique, on a nos arcs. Et ils ont leurs chars, nous on a des arcs. Comme des Indiens qu'ils ont fait autant. Se battre avec la stratégie et tout. Voilà, c'était un reportage enregistré le 12 avril 2007 à l'église Saint-Antonius de Gand pour le journal Sans Papier. Par ordre d'apparition, vous aurez pu entendre donc Angela, Fabrice, Amadou et Tourad, qui sont tous donc des occupants, des responsables de cette occupation, qui font tous partie de l'UDEP Flandre. La vie ne te fera pas de cadeau. Si tu veux une vie, vole-la. l'autoritarisme dans les organisations libertaires. Oh là, ça c'est fort, ça c'est pour moi. Parce que moi je suis tellement autoritaire, et pourtant j'aime bien les organisations libertaires. Oui, mais tu vois, on fait même nous-mêmes de l'autocritique. Ben ouais, il serait temps. Ben, depuis le temps, quoi. Et puis maintenant, il y a une infothèque permanente au 123. 123 rue Royale, on a une infothèque permanente. Oui, mais il va y avoir beaucoup plus. Bientôt, on aura beaucoup de presses alternatives qui vont nous arriver. Notamment le journal de l'anarchie Black Cross, de Nard. Alors là, on est plus du tout à Saint-Antonius, à Gand, le 12 avril 2007. On est le 11 juillet, à Saint-Bernard, pendant un atelier Faire Ensemble. Les ateliers Faire Ensemble, c'est des ateliers qu'organisent régulièrement les Frères de Sang, le collectif des Frères de Sang qui travaille beaucoup à Saint-Bernard, qui se réunit tous les jeudis pour animer la commission artistique de l'UDEP. Et qui de temps à autre propose comme ça aux gens de se retrouver pour faire quelque chose ensemble. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait de théâtre. On n'a pas beaucoup fait de théâtre au sens traditionnel du terme, mais on a beaucoup palabré. Et c'est cette palabre donc que je vous propose d'écouter. Une palabre qui réunissait donc Yves de la radio Air Libre. Yves qui vous parlait donc de son infothèque du 123 de la rue Royale. Et il y avait également Léo, qu'on va entendre, qui lui participe plus à l'AJC notamment. Flo des Frères de Sang, qu'on connaît pour l'avoir invité déjà au journal Sans Papier. Il y avait également Emeline et aussi Abdel Khalik. Ah, c'est pas une question. T'as des papiers ou pas? Mais non, moi je veux des papiers. Je veux plus de papiers. Mais t'en as. Oui, mais t'en as. Oui, mais moi je lutte pour ne plus en avoir. Alors pourquoi tu viens soutenir des gens qui demandent des papiers? Eh bien, je pourrais faire du troc. À vendre tes papiers. Ah bah oui, bah donne, puis, vas-y, bah maintenant. Hein. Et puis bon, on peut toujours trouver des combines. Mais c'est drôle, merci. On parle d'une autre manière quand le micro est là. D'une autre manière, ça nous met un stress. Non, mais par contre, non, ça ne fout pas un stress. Moi, je crois que ça peut rester. Je crois qu'il faut s'habituer à ne pas parler d'une autre manière. Tu commences ton émission en disant, moi, je prends du son, s'il n'y a personne ou pas, je m'en fous. Et tu parles plus, du coup. Tu vois, le fait de... J'aime bien parler si je sais vraiment ce que j'ai à dire. Là, c'est pas le cas, mais justement, finalement, je me dis que c'est Frères de Sang, donc... C'est l'ouverture, on a dit que c'était toujours un peu ouvert comme ça, donc... Bon, moi je vais poser une question. Alors, qu'est-ce que tu dirais à un gars, un copain, qui est burkinabé et qui veut venir en Belgique? Il est beau. Ah ouais, alors. Et il est beau. Non, c'est interdit. Voilà le numéro de téléphone de Flo. Ben, il veut venir en visite ou il veut venir vivre? C'est un projet de vie ou c'est quoi? Il sait pas. Je pense pas qu'il sache. Moi, j'ai eu la question plusieurs fois, quoi. Des Marocains qui étaient ici dans des tournées, des trucs comme ça, et qui venaient pour quelques jours, et qui pensaient se faire la belle à rester, quoi. Et donc, t'avais des discussions. D'un coup, tu dis, putain, les conseils que tu pourrais te permettre de donner pourraient avoir une influence sur toute la vie d'une personne, quoi. C'est pour ça que ça vaut la peine de prendre la question. Et d'essayer de faire rencontrer des Burkinabés. Je lui filerai le téléphone de Burkinabés qui vivent ici à Bruxelles, avec qui il peut parler. Ça, je pense que c'est le truc à faire. Si tu veux vraiment l'aider, parce que tellement viennent avec tellement d'espoir, etc., que c'est vraiment dur à exprimer. Moi, je peux... Et les gens ne te croient pas, hein, quand tu ne l'as pas vécu. Ils disent, ouais, toi, tu dis ça parce que t'es blanc, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire, mais non, ne viens pas, et tout l'argent que tu pourrais éventuellement investir pour payer aux passeurs, vas-y, monte un truc chez toi, et à la limite, créons du lien, passons, essayons, mais... C'est des petits groupes. C'est pas possible. Par contre, de lui dire qu'il peut bénéficier de ce qui se passe ici, tout en restant là-bas, je crois que ça, c'est bien. Tu vois, de pouvoir partir comme nous, on part quand on va en Afrique, voyager, se dire, je vais là-bas, je reviens, c'est ça qui est important. Et je crois que la motivation première, pour lui hein, en tout cas, c'est quitter le Burkina. À la limite, il s'en fiche que ce soit la Belgique ou quoi. Et il fantasme pas particulièrement sur ce qui est ailleurs, mais il sait que pour lui, son pays, c'est une prison, quoi. Tu vois, il s'ennuie, il tourne en rond, quoi. J'ai la même réponse qu'un ami qui m'appelle en me disant « faut que je sorte de chez moi, j'ai besoin de boire un verre absolument ». Je lui dis « bah viens ». Et puis on verra après. Non, combien de Belges qui disent, tu vois, moi je connais presque dans tous mes amis, à un moment, t'as envie de voyager. Ça fait partie, je pense, des étapes de la vie, quoi. Voyager et vouloir quitter son pays, c'est pas pareil. Moi, je suis venu en Belgique étant français parce que j'avais plus envie d'être en Belgique qu'en France. Mais pas parce que je devais absolument quitter la France. Tu vois, c'est du choix positif, c'est une immigration de luxe comme ça. Alors que c'est pas du tout pareil si tu sais que tu seras absolument plus bien là où t'es chez toi. Bon, bah, il faut partir. Enfin, non, ça, je crois qu'il faut partir, effectivement. Mais... On a créé les États-Unis, quoi. T'imagines les gens qui se disaient « Ici, c'est cul-de-sac pour moi, c'est pauvre, je suis un bandit. » Ou alors, tu vois, et qui partent tenter leur chance dans l'Eldorado. C'est vraiment... Mais je me faisais une remarque encore. Je me disais que personne, je crois, ne quitte son pays en se disant « Moi, j'ai plus envie de revenir. » J'ai l'impression que c'est les structures, c'est la loi qui oblige. Et Mathieu Bitelot, qui a étudié ça, défendait l'idée que si jamais tu faisais la liberté de mouvement des personnes, les gens, le flux s'équilibre, quoi. Partent, reviennent, etc. Tu vois, c'est un équilibre qui se fait. Tandis que maintenant, les gens qui viennent, il y en a beaucoup qui ont envie de rentrer, mais pas spécialement rentrer toute leur vie ou quoi. C'est chaque fois une décision de te dire « toute ma vie ». Tu vas à un endroit où tu n'es jamais allé et tu dis « je veux aller là-bas toute ma vie ». En soi, c'est une décision débile. Il faudrait permettre aux gens de venir. Tu vois, ça, ce serait intéressant. Et ça, peut-être même les mecs de droite pourraient piger. Permettre aux gens de venir, tu vois, 2-3 années, un truc comme ça. Et après, leur permettre de prendre leurs décisions par rapport à la situation où ils sont. En se disant « j'ai plus à construire ici ou là-bas ». Faire des ponts libres, quoi. Tu vois, que le choix de rentrer soit... Parce qu'en même temps, ce que tu dis... Il y a des incitations à évacuer le territoire, hein. Des incitations financières, il avait proposé, je sais pas si c'est passé comme loi, quoi, mais il avait proposé effectivement de payer les gens pour qu'ils rentrent dans leur pays, comme on dit, quoi. Et quand même, depuis le 10 juillet, Air France en France, donc le 10 juillet c'était hier, a quand même déclaré qu'il ne voulait plus que la compagnie participe aux expulsions. Oui, mais c'était prévu. Maintenant, c'est l'armée qui va. Ah, ouais, c'est l'armée qui s'en occupe. Ouais. C'est déjà plus clair. Oui, parce que maintenant ils vont faire des vols où il y aura que des expulsions. Ouais, et ils passeront comme ça dans, tu vois. Mais il faut qu'il y ait plus d'expulsions pour pouvoir remplir les avions, quoi. Ça s'appellera Air Expulsion. C'est interdit par la législation internationale. Ils peuvent pas faire ça. Ou alors ils vont vers des combines, mais ils peuvent pas. Tu peux plus dans les trucs de tu peux plus expulser des gens par charter en Belgique, en tout cas. Par charter militaire. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qu'il interdit? Je crois la convention. Je suis pas un grand spécialiste, mais je pense la convention de Genève. À mon avis, faites passer la coccinelle. Donc tu vois le truc, le problème. Moi j'ai un ami iranien comme ça qui me disait. On débarque ici, puis il a plein de potes. Lui encore ça va. Maintenant il s'est marié avec une française qui vit à Bruxelles et tout. Donc il y a un truc où culturellement il s'en sort bien. Et il commence à. D'ailleurs il bosse beaucoup. Il est hyper sociable. Mais il a plein de potes qui débarquent d'Iran et qui restent enfermés dans une piole parce qu'ils ont peur des gens en arrivant ici. Alors ils restent enfermés dans une piole des semaines et des semaines et des semaines. Puis ils regardent ce monde et ils se disent « Mais c'est la merde cette vie, moi ça me va pas du tout. » Et alors tu dis « Mais pourquoi tu rentres pas ?» Et ils disent « Mais on va pas rentrer à cause des autres en fait, à cause du regard des autres. » Parce que tu portes aussi un espèce d'espoir énorme. Si tu retournes là-bas et tu dis « Mais les gars, l'Occident, le seul rêve qui nous reste... » Non, c'est plus que même celui-là, c'est pourri. Mais c'est plus que porter un espoir. C'est que pour payer tout ce que coûte le voyage, tous les amis et la famille filent du pognon, investis en toi. Et toi, t'es chargé de renvoyer du pognon quand tu seras ici. Et vraiment, c'est un problème. Parce que quand t'as des enfants, et là, c'est encore, tu vois, l'Iranien qui est triste. Ça nous touche dans la tristesse. Mais le pays qui a une famille, tu vois, ça veut dire qu'il abandonne sa famille, qu'il a raté. C'est là où il y a un truc où, pour moi, c'est utopique de penser à ce truc où on laisserait les gens circuler, les frontières seraient libres. Moi, je suis pour ça, mais j'y crois pas. Le monde ne prend pas cette direction. Par contre, si on faisait de la sorte de propagande culturelle comme les gens qui cherchaient les ouvriers, tu vois, dans les années 60 et qui allaient dire « on a besoin de main d'œuvre », il y avait des affiches, il y avait des missionnaires sur place. Et si nous, on s'organisait pareil, le dialogue entre les cultures, en fait. C'est que nous, on soit plus présents là-bas pour leur dire comment c'est ici, et que ici, au lieu d'être dans la merde et d'être écrasés, ils puissent plus nous dire comment c'est là-bas aussi, tu vois. Il y a des ONG, tu sais, qui font ça, qui qui vont, je sais pas, dans certains pays d'Afrique, je n'aurai pas d'exemple précis, donc c'est un peu nul. J'aime pas dire des trucs comme ça, mais qui vont et qui, avec des vidéos de toutes les horreurs et les atrocités qu'on fait chez nous. Et les gars, ils hallucinent, quoi. Et ils hallucinent complètement parce qu'ils ont justement l'image du rêve américain un peu. Enfin, c'est complètement. Ça nous paraît complètement dépassé, mais c'est complètement mais ça, quoi. Je crois pas que ça nous paraît dépassé, hein. Bah, nous, moi, ça nous paraît. Nous, enfin. T'as pas envie, toi, d'avoir une femme, une maison, non. Ah, si, j'ai crève envie d'avoir une femme, mais je l'assume pas du tout dans cette société de merde. Mais c'est bizarre ce que tu dis parce que moi, on m'a raconté que il y avait eu une opération qui avait été faite comme ça, où il y avait eu un film de propagande qui avait été fait à partir d'un centre fermé. Et ils avaient été projeter un film sur un centre fermé belge. Au Congo, et pour montrer, tu vois, pour amplifier, parce qu'on sait bien qu'une des fonctions des centres fermés, c'est de décourager les gens, ouais. C'est de faire peur aux gens. Et là, ils avaient fait ça. Ils avaient été projeter un film au Congo sur les centres fermés. C'est ce film ? Non. Et ça a permis d'ailleurs à quelqu'un qui était dans ce centre fermé de plaider le fait qu'il avait été vu dans ce centre fermé et que du coup, il était hors de question qu'il rentre chez lui. Tu vois, par exemple. Ah oui. Ça a eu un effet, mais c'est curieux qu'il y ait des ONG qui fassent à peu près le même boulot et qui amplifient, en fait, tu vois, un truc de terreur comme ça. Et c'est les faire chercher de façon par le gouvernement, là, pour l'instant, par les gouvernants, on va dire, par le système. C'est éviter qu'ils arrivent par ici. Et donc, effectivement, le fait d'aller montrer les images des centres fermés, etc., bah, c'est pour dissuader, c'est une forme de dissuasion. Ouais. Ouais, moi, c'est pas ça que je voulais dire... Adeline, justement, c'était le contraire. C'était pas de dire, de leur mentir et de leur dire qu'ici c'est l'enfer. C'est pas vrai, on vit bien. Regarde, on s'amuse, on fait une émission de radio sous un porche. mais par contre, le truc, c'est que de leur dire, mais ici c'est pareil en fait. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, l'oppression elle est là aussi, et ici, proportionnellement, ok, on est plus riche, mais il y a la même violence sociale. J'enregistre le bisou. Salut Myriam. Bonjour Myriam. Salut Pat. Et Patrick va t'expliquer, il est en train de faire un truc, alors il va te raconter ce qu'il fait. Mais en fait, on savait pas trop quoi faire, parce qu'on était là pour faire un atelier, on voulait faire du théâtre tous ensemble, puis on s'est aperçu qu'on n'était pas beaucoup, qu'il y avait peu d'occupants de l'église, parce qu'ils sont à une réunion UDEP. Et du coup, on s'est dit que bah, comme on avait du matos, on allait faire de la radio. Et puis on s'est aperçu que sans rien comme ça, ça fonctionnait pas. Alors j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on dirait, parce que moi je vais au Burkina en fait après le 20, et je suis en correspondance avec un copain qui me demande à chaque fois quand est-ce que je peux venir en Belgique te voir, etc., qui me demande de faire les démarches. Et moi j'ai beaucoup de mal à lui dire que j'ai beaucoup de difficultés déjà à faire les démarches, et que je sais pas trop si c'est une bonne idée pour lui, quoi. Donc je sais pas trop comment lui parler. Et donc, voilà, je me posais la question de qu'est-ce que vous diriez, vous, à quelqu'un qui est au Burkina Faso et qui a envie de venir en Belgique, quoi. Mais c'était une question comme ça, il y a d'autres questions, hein. On peut changer de question. Comment il s'appelle, d'ailleurs, son prénom, je veux dire. Baba. Aboubakar. Alors, Aboubakar, c'est son prénom ? Ouais. Bah déjà, salut Baba Aboubakar. Salut à toi. T'es déjà là, quelque part, avec nous, c'est vrai. Je parle de partir, de venir, de repartir. Mais bon, c'est un choix de vie, quoi. Parce que bon, venir ici, c'est pas prendre le métro, quoi. Donc, il y a toute cette problématique-là, quoi. Donc, arriver à destination fait que bon, ils ne peuvent même plus repartir par rapport à tout leur entourage social chez eux, quoi. Et bien souvent, les familles se sont endettées pour permettre à l'un d'entre eux à pouvoir venir ici. Parce que bon, il y a des gens, on parlait des ONG là tout à l'heure, il y a certaines personnes qui jouent ce genre de jeu, que tout est beau ici en Europe, en Occident et compagnie. Et surtout les télévisions, maintenant par satellite, qu'on peut... Les gens captent, et qu'est-ce qu'ils voient ? Uniquement tous ces feuilletons à la con, c'est dans des grosses villas, il n'y a jamais de gens qui ont des problèmes financiers, de travail, tout s'arrange, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Donc, les gens sont, ne voient que ça, quoi. Ouais. Les images idéalisées de la bon, médias de l'Ouest. Abdelkhalik, oui. Tu veux participer à la radio? Pourquoi? Pour répondre à une question. Une question. Je sais pas que je comprends. Répondez, alors. Voilà, je répondais, que je comprends pas, je réponds. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui habiterait Casablanca? Oui. Et qui voudrait venir en Belgique? Je veux dire, bienvenue, il n'y a pas de frontières, il y a beaucoup de travail ici en noir, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de la répétrière, et bon, bienvenue chinois dans l'église. L'église a été ouverte pour les envoyer. Ok. Bah oui, je dis la vérité ou quoi? Et s'il vient du Burkina Faso? Bienvenue, l'asile politique ouvert toujours. Moi j'aime. Franchement, hein. Je trouve que tous les ateliers faire ensemble qu'on a fait, que ce soit les affiches, que ce soit la bouffe, non, que ce soit des prises de son maintenant, que ce soit les calicots, la tente qui a été peinte, les caméras participatives, l'eau, tu vois, peindre ensemble, tout était chouette. Jamais on s'est planté, on s'est dit, par contre des réunions chiantes, on a eu des longues, des disputes, des bagarres, tu vois, mais... Avant, il y a 45 occupations, le mois de juin 2006. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois de mai, 45 occupations. Ah oui, 45 occupations. Mais pour le moment, là reste, je crois qu'il y a 5 occupations. Oui, alors, 3 occupations à Bruxelles, une occupation, je crois, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, là reste 5 occupations, mais je ne sais pas exactement où. C'est tout. À Bruxelles, tu sais où? À Bruxelles, la forêt, Saint-Coridas, et Saint-Alena, Saint-Gilles, et Saint-Bernard, ici le capital du mouvement des sans-papiers, quoi. Tu veux dire qu'on est à la source? Arrête la source numéro 83, voilà le président de l'église, c'est Monsieur Florian. On est à la source du mouvement. Le jour où moi je serai représentant de l'église, vous serez tous morts. On remonte au sud, quoi. J'ai une question pour Monsieur Lio. Lio, s'il vous plaît, pourquoi tu as quitté la France et tu viens ici à la Belgique? Bonne question. J'ai quitté la France parce que j'avais fait comme beaucoup de Français font, c'est-à-dire il y en a qui partent de Casablanca pour aller à Bruxelles, puis il y en a qui partent de la province pour aller à Paris. Et parce que comme j'ai envie de faire des choses autour du cinéma, Paris, comme ça, c'était un peu incontournable et que Paris, c'est pas vivable, et que tout d'un coup, j'ai découvert Bruxelles. Et il n'y a pas d'autre ville en France qui soit à la mesure d'échelle humaine de Bruxelles, qui soit aussi agréable, où il y a plein de gens différents et qui sont plutôt... Lille. Lille, peut-être, mais c'est moins grand, Lille. Tu reconnaîtras que c'est moins... Non, c'est plus grand. Et Marseille, c'est un autre trip, ouais. Et moi, je viens de près de là-bas et j'avais besoin de... C'est mon immigration à moi, je sais pas, j'avais besoin... Je crois que ça fait partie aussi de... Tu vois, de sortir, quoi. Fouad, il me disait, j'avais envie de voir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan, de la mer. Putain. Ça, si, quoi. Et aussi pour une femme, hein, quand même. What? Et aussi pour une femme. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. La réalité, c'est vrai que... Ça, c'est mais une Française. Moi, c'était pour être loin de ma maman. C'est vrai? C'est vrai. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Putain, mère castratrice et tout, putain, j'ai pris le large, quoi. Tu vas pas dire ça à la mission. Non, ça, c'est coupé. Hein. On verra. Mais quand même, moi, ce que j'aurais bien aimé dire à Baba comme conseil d'amis, juste pour revenir un tout petit peu sur cette question-là, c'est si on veut être lucide et pas donner de faux conseils, viens ici si tu sens que tu seras assez fort. Parce que je pense que si t'es fragile psychologiquement, il vaut mieux rester au pays, même si c'est dur. Parce que ici, il y a un truc, c'est ce qu'on voit quand même avec. C'est que si t'es des merdards, t'es hyper sociable et tout, ça va, il y a moyen de se construire une situation, une survie acceptable. Si t'es fragile, eh ben, notre société est dans une telle merde qu'on sera pas capable de t'accueillir et de. Donc voilà. Le bateau coule, si tu sais ramer, viens, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Voilà, et si t'aimes ramer, mais viens, on sera plus nombreux. Par contre, le nombre de bouées est limité, on te prévient. On a arrêté la production des bouées. Non, mais viens si t'as quelque chose à faire. Quoi. Si tu viens, si tu viens, non, mais si tu viens juste pour, parce que tu crois que tu vas avoir du pognon. Non, mais tu veux parler? Je veux dire quoi? Tu es pour Sarkozy? Non, non, je ne vais pas pour Sarkozy. Ah. Alors, bien. On va faire un débat contradictoire là. Faut critiquer Abdil un peu. Attention, fais pas. D'abord, fais attention. Flo avec nous, hein. Non, il est là. Je suis avec vous, mais je ne suis pas avec Sarkozy. Sarkozy, c'est, pour moi, c'est une merde. Waouh! Parce que comme ça, les gens qui sont là-bas, par exemple, les gens qui sont. Ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Lève ta main. Voilà. Je ne suis pas avec Sarkozy. Je ne suis pas, ça va. Moi, je suis contre les gens. Par exemple, les gens qui ont 10 ans là-bas en France, ils ne sont pas le papier, comme ça, ils vont jeter comme ça, retourner au bled. Ils vont faire quoi au bled? Ça, ils ont vécu ici en Europe, ils ont mentalité de l'Europe, ils vont partir là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont vendre les maïs, ils vont faire quoi? Au bled, il n'y a pas grand chose pour faire, même si tu fais beaucoup d'études, tu fais beaucoup de choses, comme là-bas, si tu n'as pas de coup de piston, tu ne peux rien faire là-bas au bled. Si, au Maroc? Au Maroc, oui. Il y a quelque chose à faire. Il y a quoi à faire au Maroc? Il y a de l'école, il y a des travaux, il y a des commerces. Oui, j'ai de la vérité. Il y a de l'école. Attends, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a de l'école, il y a des études, il y a des travaux, il y a des commerces, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a rien. Alors, il n'y a rien. Tout ça, alors. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Le Maroc est un monde sans argent. Il faut réfléchir. Il y a de l'argent, mais je ne sais pas, il est où. Il est mal réparti, à mon avis. Hein? Il y a de l'argent, mais il est caché. Je ne sais pas, il est où. Il est où, ouais. Suisse. Ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent, regarde dans la rue. Ici, en Belgique, il y a de l'argent. Que tu travailles, de toute façon, attends, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, il est parti par là, l'argent. Là, on a une rue de quoi s'acheter une putain de villa avec un putain de studio d'enregistrement et une putain de salle de répète. Non, tu peux me comprendre. Attends, je comprends. Je crois que tu comprends mal, Flo. Ah, Flo, je crois que tu comprends mal, mon frère. Il y a de l'argent ici en la Belgique. Parce que ici, qui tu travailles, tu trouves de l'argent. Au Maroc, même tu travailles, tu ne trouves pas de l'argent. Qui tu travailles, tu trouves de la merde. Au Maroc. Je dis la vérité. Moi, je suis disponible pour dire ça d'avoir le média marocain. Pour passer le message au Maroc. Un beau message. Bah oui. Au Maroc, il y a du travail, il y a de l'argent. Mais les jeunes, ils ne veulent pas se sortir de l'argent. Ils veulent. Restez toujours avec l'argent de la poche, machin. Bon, à Maroc, à mon avis, qui est ton père riche, toi aussi riche. Mais au Maroc, un pays raciste, un pays dictatorial. Mais c'est pas le roi qui est dictateur, mais les gens qui dirigent. En fait, moi, je viens de comprendre quelque chose, c'est que Patrick fait partie du gouvernement et de la police, parce qu'il vient ici pour nuire un peu. Si jamais des activistes et tout, en soutien avec les sans-papiers, se mettent à réellement organiser une énorme pièce de théâtre filmée cet été, qui fera le tour de toutes les occupations et qui essaiera de faire le lien, là c'est trop dangereux, donc il faut aller les divertir. Et soi-disant, sous couvert de Radio Panique, il arrive en disant « je fais une émission comme ça ». On parle pas du tout du projet de théâtre et de cinéma. Notre émission Obstruction se termine. Je quitte les lieux. Radio panique. Allez-y, défoulez-vous, j'en ai rien à foutre. Radio panique. Et ils ont des subsides, hein, en plus. Radio panique. C'est une émission spéciale en direct de... Des flics comme ça, j'en réclame. Ce sont les plus dangereux. Voilà, ce journal sans papier estival se termine sur cette palabre enregistrée à l'église Saint-Bernard le 11 juillet dernier durant un atelier Faire Ensemble organisé par les Frères de Sang qui réunissait Yves de Air Libre qui vous présentait son infothèque du 123 de la rue Royale, Léo de la JC, Flo des Frères de Sang, Emeline qui était là aussi, Abdel Khalik et quelques autres comme ça. On va continuer à diffuser le journal sans papier tout l'été, restez à l'écoute donc sur Radio Panique 105.4 et sur Radio Campus 107.2. Le journal sans papier est diffusé donc le lundi soir à 19h et le vendredi matin à 9h, c'est une rediffusion. sur Radio Panique et sur Radio Campus à 14h30 en début d'après-midi le lundi. On va continuer à diffuser, j'espère, tout l'été. Et à partir d'aujourd'hui, plutôt, on va vous faire réécouter des émissions. La semaine prochaine, je pense que ce sera une émission spéciale sur les centres fermés qui condensera un peu les trois émissions qu'on avait consacrées au sujet. Et par la suite, donc, des rediffusions de nos émissions savoureuses de l'année. Voilà. À bientôt, et en tout cas, on se retrouve en direct live, si je puis dire, en septembre. À bientôt. Yeah!